Un moment après, le plus riche bourgeois de la ville, qu'on nommait Sir Eustache de Saint-Pierre, se dressa et parla ainsi devant eux tous. « Seigneur, ce serait grande pitié et grand malheur de laisser périr une si nombreuse population, par famine ou autrement, quand on y peut trouver remède. Et au contraire, ce serait grande charité et grand mérite devant notre Seigneur si on pouvait la préserver de pareilles calamités. Pour ma part, j'ai si grande espérance de trouver grâce et pardon auprès de notre Seigneur, si je meurs, pour sauver cette population, que je m'offre le premier. Et je me remettrai volontiers, vêtu seulement de ma chemise, nu-tête, nu-pied et la corde au cou, à la merci du noble roi d'Angleterre. » Quand Sir Eustache de Saint-Pierre eut prononcé ces mots, chacun alla l'entourer d'une vénération attendrie, et plusieurs hommes et femmes de se jeter à ses pieds, en pleurant à chaudes larmes. C'était grande pitié d'être présent et de les entendre et regarder.